Qu'est-ce qui dit le curé un tel? Qu'est-ce qui dit l'archevêque un tel? Quelle est l'opinion du ponce un tel? Quelle est l'opinion de l'autre? C'est fini. C'est fini. Parce que l'homme conscient ne peut pas vivre de la vérité. La vérité, c'est un mensonge. La vérité, c'est un mensonge. Et la raison pour laquelle l'homme ne peut pas comprendre ceci, c'est parce que lorsqu'il a enfin la vérité, il pense que c'est réel. Avec tout le respect que j'ai pour cette très grande masse de personnes qui sont réellement des êtres spirituels, mais très bien, du bon monde. Je vous donne un exemple. Puisque ce sont des êtres qui font partie d'un monde qui est près de nous, nous pouvons les apprécier, nous pouvons mesurer leur sensibilité. Prenez les témoins de Jéhovah. Ils l'ont tué, la vérité. Puis elle est assez lourde à porter qu'ils veulent absolument vous la faire partager. Mais le point que je veux faire, je prends cette section de l'humanité très sensible, du bon monde, je prends cette section de l'humanité pour exposer, parce qu'il n'y a pas de différence entre les témoins de Jéhovah qui ont une vérité, et les chrétiens qui ont une vérité, les arabes qui ont une vérité, les autres qui ont une vérité, les russes qui ont une vérité, tout le monde a une vérité. Mais la vérité, c'est l'envers d'un mensonge. Mais l'homme n'a jamais compris que la vérité, c'était l'envers du mensonge. Il a fallu que, quelque part dans le temps, à la fin du 20e siècle, quelqu'un dise, écoutez, il existe dans le cosmos, sur notre planète Terre, une qualité psychologique du moi qui fait en sorte que l'homme est assujetti expérimentalement à une nature impériale de descente dans son mental d'une forme d'énergie mensongère qu'on appelle, ou que j'appelle, le mensonge cosmique. Et expliquer qu'est-ce que c'est le mensonge cosmique. Donc, le mensonge cosmique implique, englobe toutes les formes de vérité ou de non-vérité qui font partie de la conscience expérimentale de l'homme. Et l'homme, un jour, devra comprendre ceci. Il devra comprendre qu'en dehors du mensonge, en dehors de la vérité ou de la polarité du mensonge, du vrai ou du faux, le réel commence. En dehors du vrai et du faux, le réel commence. Et c'est difficile pour l'homme, et je le conçois, je le réalise, c'est difficile pour l'homme de réaliser qu'en dehors du vrai ou du faux, le réel commence, mais un jour il sera obligé de le réaliser. Parce que le réel, ça fait partie de la connexion entre la lumière de l'homme et son ego. Tandis que la vérité et le mensonge, ou le vrai et le faux, ça fait partie de la connexion entre le monde de la mort, ou le monde des âmes et l'ego de l'homme. Donc, lorsque l'homme aura réellement compris les lois très fines de la réalité, en ce qui concerne le matériel, l'espace-temps matériel, plus les espaces-temps psychiques parallèles qui font partie de l'organisation de son moi, l'homme pourra très bien voir, d'une façon très précise, la différence entre ce qui est réel et ce qui est vrai ou faux. Ensuite, il pourra facilement comprendre pourquoi il souffre. Ce sera facile. Alors, quelqu'un qui a une conscience qui n'est pas expérimentale, qui est capable de sortir du jeu ou de cette illusion-là ou du mensonge cosmique, comment est-ce qu'il perçoit ce que les autres appellent les forces sataniques? Est-ce qu'il perçoit ça comme une espèce de défi ou... quelque chose qui est comme une exigence de perfection, une résistance nécessaire pour un dépassement? Non. Dans le cosmos, sur certains plans, en dehors du monde de la mort, en dehors du monde de la mort, il existe des gouvernements, des sociétés extrêmement puissantes. Ce sont des sociétés créatives qui ont des fonctions, qui ont des responsabilités évolutives dans le cosmos. Ce que vous appelez les forces luciférienes font partie de ces sociétés. Ce que vous appelez les forces de la lumière font partie de ces sociétés. Nous, notre problème, c'est lorsque nous parlons des forces dans l'invisible, nous ne sommes pas capables de contempler ces forces en termes de gouvernement appartenant à différents, à différents espaces matériaux dans des univers psychiques. Donc, aussitôt que nous parlons de force luciférienne ou de force de la lumière, nous avons tendance à symboliser la nature de ces forces, de ces intelligences. Nous ne sommes pas capables, parce que nous n'avons pas encore développé un corps subtil, un corps éthérique pour aller voyager et visiter ces mondes, ces planètes. Donc, nous ne sommes pas capables de nous imaginer que ce que nous avons appelé religieusement, spirituellement, les forces lucifériennes, ou ce que nous avons appelé spirituellement les forces de la lumière, sont, dans le fond, des mondes, des intelligences, des humanités en évolution, mais tellement avancées qu'ils n'ont plus besoin de corps matériel. Donc, n'ayant plus besoin de corps matériel, ils vivent en relation avec des programmes d'évolution tellement avancés que pour nous, les hommes, ce sont des forces. Ce sont simplement des forces. Mais ce que nous ne savons pas, c'est qu'il y a sur la planète Terre des hommes qui viennent de ces mondes. Il y a des hommes sur la planète Terre qui viennent de ces mondes, de ces planètes d'origine, qui font partie de l'organisation psychique intégralement cosmique de ces mondes. Mais nous avons perdu connexion, contact avec notre propre esprit. Nous vivons d'une conscience expérimentale parce que la seule chose que nous savons de nous-mêmes, et même d'une façon très limitative, c'est la qualité mémorielle de notre subjectivité que nous percevons souvent à travers nos tremblements anxieux, les vibrations de l'âme. Mais l'homme ne vit pas au niveau de son esprit. Donc, c'est très difficile pour l'homme de comprendre qu'est-ce que c'est réellement une force luciférienne. Autrement dit, une force qui est descendue dans les éthers où la lumière n'existait pas pour créer des mondes en évolution de substance, mais non pas des mondes en évolution d'essence. Donc, les forces lucifériennes ont créé des mondes en évolution de substance. Évolution de substance veut dire la capacité de ces intelligences de rayonner et de manifester dans des espaces absolument vides des énergies, des forces créatives qui, au cours des âges et des époques, ont donné finalement un rendement que nous appelons le matériel. Autrement dit, cette énergie s'est densifiée et elle a créé des mondes qui sont physiques et qui servent aujourd'hui à l'évolution de notre humanité comme elle sert à l'évolution d'autres humanités dans le cosmos. Mais ça, c'est simplement la première partie du jeu. L'évolution ou la projection dans le cosmos libre d'énergie amenant à la création de mondes stabilisés de plus en plus, ça faisait partie de ce que nous appelons, nous, les forces lucifériennes. Mais ce n'est pas dans le contexte moral judéo-chrétien que nous devons comprendre le terme luciférien, parce que d'ailleurs, luciférien veut dire porteur de lumière. Mais dans l'évolution future, ce travail sera fini. Ces forces auront terminé leur travail. Elles ont voulu, ces forces, exposer à la radiation permissive d'un absolu qui est totalement imprévisible dans leur monde, mais qui fait partie des statistiques mentales de leur coordination. Elles ont voulu rendre hommage à la pluralité mentale de leur capacité intégrale de diversifier l'énergie pour créer, dans la conscience atomique, dans les systèmes qui existent, suffisamment de cohésion au niveau de l'énergie pour que nous puissions bénéficier sur le plan minéral, animal, plantaire, humain et surhomme demain, d'une sorte de constatation que la lumière est capable d'exploiter dans toutes les directions spatiales de l'intérim infinitif de leur propre origine, toutes les possibilités de leur vocation. Ça, c'était le but des forces luciférienne. Ces forces existent parce que la création a été inachevée et que l'homme est en voie d'achèvement. L'homme fait partie du dernier cycle. L'homme est en train de finir ce que ces forces ont commencé. L'homme est la finition, le terminal de ceci. Mais à partir du moment où l'homme passe de l'involution à l'évolution, il brise complètement son contact avec ses forces, c'est-à-dire qu'il devient, pour la première fois depuis la descente dans la matière, libre de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire, libre de l'âme? Ça veut dire libre de la mémoire. L'âme, c'est une mémoire. L'âme, c'est la substance de l'homme. Ce n'est pas l'essence de l'homme, c'est sa substance. L'essence de l'homme, c'est sa lumière, son esprit, son double. L'âme, c'est la substance de l'homme. La substance de l'homme, elle est expérimentale. Elle fait partie du contact entre l'homme et la matière. Alors que l'esprit, dans le passé, l'humanité a réalisé qu'il était impossible pour lui de maintenir le contact entre la matière de l'âme et lui-même, parce que l'homme n'était pas suffisamment évolué sur le plan mental. Donc, la substance de l'âme, tous les mouvements subtils de son organisation psychique à travers l'ego, à travers le mental, à travers l'émotion, à travers la sexualité, à travers la sensibilité, faisaient en sorte que le mur descendait entre la lumière de l'homme et la matière. Ça, c'est l'évolution, c'est l'origine du péché originel. Le travail s'est fait pendant des millénaires. L'ajustement s'est fait pendant les millénaires. La substance s'est développée. L'âme s'est développée. La mémoire est devenue très grande. Et elle a servi autant sur le plan individuel que sur le plan collectif de l'humanité. Et à la fin du 20e siècle, commence le passage de l'involution à l'évolution, où l'esprit prend sa place dans la vie de la planète. Ceci veut dire quoi? L'esprit ne peut pas prendre sa place dans la vie de la planète à une échelle mondiale, parce que les hommes ne peuvent pas vivre l'esprit collectivement. Ils sont obligés de vivre l'esprit sur une base individuelle. Donc, il faut quelque part, dans un certain temps sur la planète, qu'un homme, un initié, soit amené dans un état de fusion instantanée avec cette énergie pour pouvoir en arriver, après un certain nombre d'années, à l'intégrer totalement. L'intégrer pour détruire ce qui est en lui âme, c'est-à-dire mémoire, c'est-à-dire relation avec l'invisible de l'évolution, c'est-à-dire relation avec le monde de la mort. Pourquoi? Pour ne plus jamais avoir à souffrir de la pensée humaine qui a été le joug de l'évolution, qui a été le support de l'évolution et qui a été le besoin chez l'homme en tant qu'ego de prendre finalement conscience de sa nature, mais à un niveau seulement de l'évolution. Une fois que ce travail de fusion est fait à travers un homme, il peut se faire à travers d'autres hommes au cours des millénaires qui viennent, parce que une fois que le canal est ouvert, que la parole passe, que l'homme peut savoir sans que ce qu'il sache fasse partie de la vérité ou du mensonge, sans que ce qu'il sait ou ce qu'il dit soit coloré par la mémoire de l'âme, sans que ce qu'il dit ou ce qu'il sait fasse partie de l'expérience de l'humanité, autrement dit, sans que ce qu'il sait fasse partie du conditionnement historique, proto-historique de l'involution, carrément relié à l'activité des forces de l'âme dans le monde de la mort, ou directement relié à toute l'aventure cosmique des forces lucifériennes, il faut que l'homme soit absolument en conscience de cette énergie de lui-même, qu'il soit individualisé dans son savoir, qu'il ne vive pas de la connaissance, mais qu'il vive du savoir. Et ça, c'est... ça commence à se faire. L'homme le fera. L'homme apprendra à vivre du savoir et non plus de la connaissance. Et dans les tremblements originaux de ce mouvement, il mesurera son savoir, il verra la connaissance et il sera dans le doute de son savoir. Parce que la connaissance, elle est puissante, elle est grande. Elle a derrière elle des années et des millénaires d'autorité. Et l'homme sera obligé un jour d'être capable de supporter, de regarder, de pénétrer dans toute la connaissance de l'humanité, des Indes dravidiennes jusqu'à la plus grande conquête de la science matérielle des Américains, pour finalement savoir, comprendre que le savoir, c'est la lumière et que le savoir n'a pas besoin d'être étudié. Que le savoir fait partie de l'intégralité de l'homme, que le savoir fait partie de la nature de l'homme. Il fait partie du pouvoir de l'homme et à partir du temps ou du moment où l'homme est dans le savoir, il est libre d'explorer les mondes parallèles, il est libre de comprendre les mondes invisibles, il est libre de comprendre la vie et il est capable de mettre fin à la souffrance planétaire de l'évolution reliée au monde de la mort, reliée à l'âme et de faire tout sauter en lui de ce qui fait partie du passé de l'évolution. Encore une fois, il va falloir perdre quelque chose pour gagner quelque chose. Évidemment, ce que nous perdons, c'est la merde dans nos culottes. L'homme perdra la merde dans ses culottes. Et quand l'homme s'identifie à la merde de ses culottes, ses pensées, sa mémoire... Évidemment, évidemment. Si l'homme l'adore, ça c'est son problème. Mais il sera obligé, un jour, de passer d'une culotte pleine à une culotte vide. Il n'aura pas de choix. Il n'y aura pas de choix, parce qu'il n'y aura plus. Dans le passé, nous avions des maîtres. Nous pouvions aller voir le maître et dire, comment on parle à un maître, quoi? Parle-moi de la sagesse, parle-moi de ci, parle-moi de ça. Et le maître, lui, avec ses grands yeux dans la graisse de bine, il vous parlait de la sagesse, mais bon. Mais dans l'avenir, l'homme sera obligé d'entrer dans sa propre énergie. Parce qu'il réalisera que la sagesse n'est plus assez. C'est de l'intelligence que nous avons besoin, de la volonté, de la sagesse pour l'évolution. Ce qu'on cherche, dans le fond, c'est de vivre pour le meilleur et sans le pire. Non. Je ne parle pas de vous, là. On doit chercher jour après jour à raffiner notre mental et à voir, nous avons suffisamment d'expérience dans la vie, à tous les niveaux, autant dans notre relation avec le système dans lequel nous vivons que dans notre relation intime avec nos émotions. Nous devons regarder à tous les jours notre vie et d'en prendre une mesure. Mais lorsque nous avons pris une mesure de notre vie, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas la prendre en considération, cette mesure. Autrement dit, l'homme ne peut pas dire, ouais, c'est vrai, je fais une gaffe là, mais je ne veux pas trop toucher parce que ça va faire mal. L'homme qui sera conscient demain et qui prendra mesure de sa vie, il sera obligé de prendre mesure d'une façon froide, absolue et sans émotion. Et avec le temps, ça deviendra naturel, ça deviendra une seconde nature. Et avec le temps, l'homme ne souffrira plus. Parce qu'il n'aura plus à souffrir. La raison pour laquelle nous souffrons, c'est parce que nous avons quelque chose à apprendre, mais lorsque l'homme n'a plus rien à apprendre, qu'il ne vit plus de conscience expérimentale, il vit simplement de conscience créative. Mais un homme qui ne souffre plus, est-ce que c'est encore un homme? Est-ce que c'est encore un être humain? Ah, la question poétique. Retourner à l'envers comme de la poutine. Si je ne souffre pas, je ne suis pas humain. Si je ne pleure pas, je n'ai pas de sentiments. Les hommes ont été habitués à la poésie. Vous savez, je vais vous dire une chose. Les poètes ont fait plus pour dorloter l'émotion de l'homme, pour parfumer son esprit, que tous les hommes de la terre. Les poètes, ils ont enrobé l'esprit de l'homme dans de la beauté. C'est dangereux, la poésie. C'est très dangereux. C'est beau, c'est grand, c'est révélateur, mais ça te garde toujours dans la même puanteur. Je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous que vient d'un certain point dans la galaxie un homme. Un homme, il n'est pas aussi beau que nous, mais... OK. Il vient, des grandes oreilles, hein? Il vient. Et vous vous asseyez à la table, et vous parlez avec lui, parce qu'ils ont une colonne vertébrale comme nous, ils s'assoient, hein? Bon. Et vous parlez à ces êtres de poésie, de philosophie, d'ésotérisme, et au fur et à mesure que vous parlez avec eux, ils changent de couleur. Parce que nous, sur le plan matériel, nous pensons, nous vivons psychologiquement. Un homme conscient ne vit pas psychologiquement. Il vit vibratoirement. L'évolution de l'homme fait qu'il vit psychologiquement, donc psychologiquement, il est attaché à la philosophie, il est attaché à l'ésotérisme, il est attaché à la poésie. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de se sécuriser dans quelque chose. Tandis que l'homme qui vit vibratoirement n'a pas à se sécuriser dans quoi que ce soit. Sa propre et sa seule sécurité, c'est le mouvement opposé. C'est la destruction de ce qui, dans l'évolution, l'avait sécurisé. Moi, quand je parle... que je parle dans un domaine ou que je parle dans un autre, je ne me sécurise pas. Je détruis la forme. C'est ma seule liberté. Je disais à quelqu'un il y a peut-être 4 ans, 5 ans, 7 ans, je disais, les systèmes VDT, Video Display Terminals, que vous utilisez beaucoup aujourd'hui dans l'informatique, et ainsi de suite. Je disais, ces choses sont dangereuses pour l'homme parce qu'il y a radiation. Les radiations affectent le plexus solaire, donc il se crée une décoordination des systèmes psychiques, psychomusculaires qui existent dans le centre cardiaque. Et ça attaque tous les, ce que j'appelle, moi, les glandubules du corps éthérique. Et ça affecte l'homme, physiquement, éventuellement. Ça peut amener au cancer, et ainsi de suite. Bon. Et je reçois aujourd'hui un texte affirmatif de l'Académie de Stockholm, qui est une académie extrêmement indépendante sur le plan de la recherche scientifique, et on admet que, effectivement, d'après les études, il y a danger entre le VTT et cette technologie, et l'homme. Mais pourquoi est-ce que l'homme est obligé de passer par l'expérience pour savoir? Donc, ceci, et comprenant la situation du VDT ou de la technologie aujourd'hui, jusqu'où on se garoche dans le monde pour les amener dans nos foyers, et ainsi de suite, quand je dis, moi, que notre société humaine aujourd'hui, la façon dont nous vivons notre civilisation, elle est totalement inversée, je dis totalement inversée. Nous avons fait du bien un mal et du mal un bien. Et ceci n'existe pas simplement sur le plan de la technologie, il existe sur le plan de nos émotions, il existe sur le plan de notre mentalité. Nous vivons aujourd'hui à l'extrême de la réalisation de notre conscience. C'est pour ça que lorsque l'homme va passer de l'involution à l'évolution, qu'il va commencer à faire contact avec sa propre lumière ou que sa lumière va contacter avec lui, c'est évident que l'homme va souffrir. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce matériel entre lui et demain. Il y a tout ce matériel. Allez voir GE aujourd'hui, allez voir General Motors, allez voir une compagnie aujourd'hui, ils disent, écoutez, on a des preuves scientifiques que VDT c'est dangereux. Ils vont dire, mais ça, il faudrait amener ça dans un tribunal international. Vous savez comment on parle? Hein? Le protocole? Mais oui, monsieur, mais il faut envoyer ceci devant un tribunal international. Il faut qu'on vérifie avec les grandes autorités. Vous comprenez? Le monde, les gens ne sont pas tellement en contact avec ceci parce que les gens vivent, travaillent dans les systèmes. Mais les gens qui sont en contact avec des gens qui parlent comme ça, Carles! Moi, je le sais. C'est pour ça que je dis le passage de l'involution à l'évolution sera un passage pour l'homme individuellement. Conscient. Ce ne sera pas une affaire collective. Ce sera pour l'homme conscient. Et l'homme conscient créera une nouvelle civilisation. Il créera, avec sa propre lumière, il créera une nouvelle civilisation parce que il aura la capacité de manipuler la matière. Il aura la capacité de manipuler le plan astral. Il pourra travailler avec le plan astral pour que finalement le plan astral le serve lui au lieu que lui le serve depuis des siècles inconsciemment. Donc, l'homme de demain, conscient, le surhomme de la sixième race racine, sera un magicien. C'est bien ce que je disais, c'est plus un homme, c'est un surhomme. C'est un homme. Pourquoi moi, je ne serais pas normal et que vous ne seriez pas anormal? Pourquoi ce serait vous qui seriez normal et moi anormal? Hein? Pourquoi l'homme conscient serait anormal? Oui, mais je dis surhomme dans le sens d'une plénitude, d'une réalisation. Surhomme, au-delà de l'homme planétaire, au-delà de l'homme évolutif. Oui. Au-delà de l'être humain, poétique. Oui, voilà. Ouais. Donc, en fin d'involution, on vit l'ordre à l'envers. Nous vivons l'ordre à l'envers. Et nous devons le réaliser. Et l'homme le réalisera qu'il vit l'ordre à l'envers sur le plan d'abord de sa pensée. C'est sur le plan de sa pensée, de son mental, que l'homme réalisera qu'il vit l'ordre. Et cette clé, elle a été donnée. L'homme ne peut pas dire aujourd'hui dans le monde que la clé n'a pas été donnée. Parce que la clé de la nouvelle évolution a été donnée. Et cette clé, elle a été donnée dans ce sens qu'il a été dit à l'homme, l'homme pense qu'il pense. Quand l'homme commence à réaliser qu'il pense, il faut qu'il en arrive à savoir que c'est lui qui crée sa pensée. Tant qu'il n'est pas arrivé à savoir que c'est lui qui crée sa pensée, la pensée qu'il vit, elle est communiquée par télépathie à partir de l'astral, donc l'homme fait partie de l'évolution. Il est possédé sans le savoir. Donc, ne vous demandez pas pourquoi l'homme a tellement souffert pendant l'évolution, c'est normal. Vous avez déjà parlé avec les morts? Vous avez déjà visité leur monde? Il n'y a peut-être pas besoin d'aller dans l'au-delà pour parler avec eux. D'accord. On est un peu des morts vivants, nous-mêmes. Hein? Quelque chose. C'est quelque chose. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et le pire, c'est que le monde de la mort, son organisation interne, son psychisme, sa masse intégrale, elle fait partie de la connaissance humaine. Alors, la masse intégrale psychique du monde de la mort, elle fait partie de ce que nous appelons la connaissance humaine. Alors, si le monde de la mort est tel que vous nous le décrivez, à quoi bon mourir pour aller au ciel? Parce que l'homme, quand l'homme vit sur le plan matériel, son expérience émotive et mentale ici, elle sert d'énergie là. L'homme est une turbine pour ses intelligences. Vous mangez des carottes pour vous nourrir. Vous mangez de la viande pour vous nourrir. Eux mangent de l'homme pour se nourrir. C'est écologique. Donc, oui, c'est écologique. Et plus l'homme est émotif, quand l'homme est très émotif, très débalancé, c'est du fini mignon. Et demandez à n'importe quelle entité dans le plan de la mort, dans le plan astral, et elle vous dira, si vous êtes suffisamment dans votre énergie, elle sera obligée d'avouer que les morts mangent et se nourrissent de l'homme. Et c'est pour ça qu'ils sont tellement terrifiés à la fin du 20e siècle, parce qu'ils savent qu'il vient un nouveau cycle d'évolution et qu'ils ne savent pas ce qui va se passer avec eux après. En attendant, ils vont pouvoir se payer un bon festin quand même. Oui, oui. C'est très grave. Mais nous n'avons eu accès à ce savoir qu'à la fin du 20e siècle. Auparavant, l'homme ne pouvait pas avoir accès à ce savoir. Aujourd'hui, l'homme a accès à ce savoir, et ce savoir est imprimé maintenant. Donc, l'homme pourra s'en servir. Et c'est ça qui va commencer le nouveau cycle d'évolution. Mais, même si l'homme a accès à ce savoir, il sera obligé de vivre le poids de ce savoir sur la base de sa propre conscience individualisée, parce que ce n'est plus un savoir avec lequel on peut faire de la philosophie. C'est un savoir, faut qu'on vive, faut que l'homme le vive, parce qu'il n'y a plus de maître au niveau de la sixième race racine. Il n'y a plus d'être vers lequel l'homme peut regarder et dire « cet homme, il a la vérité », parce que c'est une illusion. L'homme doit être dans sa propre lumière, il doit être lui-même son propre maître. Donc, l'homme souffrira. Merci.